parce que je voudrais faire de ma vie une belle histoire. Depuis petit, j'ai la tête remplie d'espoir. J'aimerais bien que tout se réalise, car je ne veux pas emporter des regrets dans ma valise. J'avance avec malice pour éviter les obstacles et les embûches, car ces mots ne sont pas sur ma liste. Ce qui m'attire pour l'avenir, rien d'extraverti. Je veux vivre simplement, vous êtes avertis. Être apaisé, y'a rien de mieux pour avancer, pour continuer sa lancée. Un esprit calme, c'est parfait. Je suis comme un enfant, je dis la vérité, souvent blessant, tout choquant, qu'importe si elle va t'irriter. J'ai l'habitude de m'exprimer en ayant peu de tact. Très souvent ça ne plaît pas, alors on m'écarte. On juge mes paroles avant de voir les actes. À ce compte-là, c'est comme faire la guerre sans armes. Quand je pars, j'ai l'impression que mes paroles s'envolent, qu'il n'y a pas de considération comme au temps de l'école. Cette période est néfaste, faudrait que je l'efface. Malheureusement, toute ma life, elle me laissera les traces. Mais je baisserai pas les bras, je jouerai le brave. Je gravirai les étapes, je resterai pas dans le noir. Et je veux des éclaircies dans ma putain de vie. Je crois que tout le monde vise le même objectif. Faut pas se leurrer, on connaît tous les mauvaises périodes. Les passages où on a l'impression que tout se détériore, où tout va mal, où tout se détruit. Alors qu'en vérité, c'est la réalité qu'on fuit. Bien souvent, on se renferme dans une bulle, en pensant bien agir alors qu'on est ridicule. On pense se protéger du mal extérieur, en s'enfonçant vers nos blessures intérieures. Si l'amour en t'aveugle, c'est pas demain que je perds la vue. Tellement déçu que mon cœur est en garde à vue. Bloqué dans une cellule, entre quatre murs, je rêve de futur, mais la clé s'est cassée dans la serrure. Mes projets pour le moment, ça reste que des rêves. Je voudrais les décrocher, mais je n'ai pas d'échelle. Je côtoie trop l'échec et ça commence à m'agacer. À ce rythme-là, ma poitrine va se cadenasser. Je suis comme retranché dans mes pensées. Je réfléchis trop et ça m'empêche d'avancer. Et si tu te reconnais à travers ce récit, c'est que toi aussi tu as connu des mauvaises nuits. J'invente rien, j'écris juste ce que je vis, ce que je vois, ce que je ressens et ce que j'en déduis. Et même si dire ce qu'on pense aujourd'hui ça dérange, je m'en tape car mon style a déjà ses adhérents. Il n'y a que deux sortes de gens dans la vie si on réfléchit bien. Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. La plupart des gens ne font que parler. Ils parlent et c'est tout. Mais au bout du compte, c'est ceux qui agissent qui changent le monde. Et en changeant le monde, ils nous changent aussi. C'est pour ça qu'on les oublie jamais. Vous, vous êtes dans quel camp? Vous êtes du genre à vous écouter parler ou vous vous levez et vous bougez? Parce que, croyez-moi, tout le reste, c'est que des conneries.